Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Bonjour, bienvenue et merci d'avoir pesé sur Start. Vous êtes dans la barrique numérique avec les frères Cassette et j'ai nommé Gilles. Ok, bon, l'autre n'est pas là. Et c'est là où les jeux vidéo et la bière se rencontrent sans bug et avec glitch cette fois-là parce que c'est la première édition hors série de la barrique numérique ce soir. Alors, on a changé de concept le temps d'un épisode parce qu'il y en a un qui est parti en voyage. On dira pas qui. Gaétan. Puis c'est ça. Donc, j'ai avec moi en studio deux jolis jeunes gars qui vont être avec nous pour le prochain 45 minutes pour parler de quelque chose que au Québec, on a eu, que c'était bien le fun à avoir. C'était des réunions d'humour. Moi, j'ai bien aimé la réunion de Monty Python. J'ai bien aimé la réunion de Rock et Belles Oreilles. L'affaire, c'est que je ne vais pas être seul pour en parler. Alors, j'ai fait venir Alex Gingras. Bonjour, Gilles. Bassiste extraordinaire, maître de Dr. Mario et... Surtout Dr. Mario. Donc, c'est comme ça qu'on va chercher le lien avec le jeu vidéo avec toi. Voilà. Excellent. Voilà, dans ces années-là. On a aussi avec nous Martin Nadeau, qui est un sound designer chez Ubisoft. Salut. Et papa de deux enfants. En effet. Lequel de tes deux skills est le plus fort pour toi? Ah oui, oui. Ah non, papa. Ouais, ouais. Ah ouais? Ah oui, définitivement. Ah, on aime ça. Je pensais que tu allais demander lequel de ses deux enfants il aimait le plus. Je trouvais ça un peu déplacé. On va garder ça pour un prochain épisode. Ou les bloopers, si tout va bien. Fait que ce soir, bien facile comme concept, les réunions d'humour, on en a vu deux, on va en parler. On va accompagner ça de bières de microbrasserie que j'ai demandé à mes deux invités spéciaux de bien indulger. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va commencer par Monty Python et on va commencer avec Alex comme intervenant parce que c'est le seul des deux gars qui est allé voir Monty Python et qui sait c'est quoi Monty Python. Certainement. Alors, avant de décrire ce qu'est Monty Python, décris-nous donc la bière qui va aller avec ça. J'ai été dans le compliqué, là. Je voulais chercher une bière plus récente. Ce qu'on a eu, c'est la Peluzzo 30 ans, qui est le 30e anniversaire du dépanneur Peluzzo. Pour ne pas le nommer. D'accord. Imperial Stout aux griottes. Griottes, j'imagine c'est des cerises parce qu'il y a un dessin de cerises dessus. C'est censé être bon, 9,3%. Et pas là! On se l'est fait grandement conseiller à deux reprises en dedans d'une minute. Bon ben, on va y aller avec le pichet de départ avec cette bière-là qui a un petit côté russe, ma foi, sur l'étiquette, c'est quand même... Très russe, très pochette de D-Heavy, très... Elle a un beau son. J'ai parlé pendant le pshh en plus. Non, je vais pouvoir te muter ça au prochain montage. Fait qu'on va verser ça. C'est assez foncé hein, ma foi, on dirait du vin, un bon vin rouge australien. Absolument. Ne fait pas beaucoup de mousse, par contre. Fait que on va y aller avec trois petits verres. Vu qu'on n'est pas dans nos locaux habituels, chers auditeurs, vous n'aurez pas la chance de sentir la vitre teintée quand on va faire nos chins. C'est pas bien grave. C'est juste... Je prédis plus un plouche. Plus un plouche? Plouche. J'ai fait beaucoup de brou dans la mienne. Mais vu que c'est une start, on voit vraiment la séparation. Là, qui... Ou c'est peut-être juste moi qui a crissement mal versé mon verre ben, ici. Je pense que tu as bien fait ça. Okay. Bon, t'as beaucoup d'années d'expérience. On va faire un beau chin-chin de gang. Je plouche. Yes. Puis on va goûter à ça. Je te dirais que oui, ça se rapproche du Forêt Noire. Forêt Noire, oui, parce que la petite cerise, ouais, comme là, le petit côté acide. Comment qu'on appelait ça, là, tantôt, du... D'une stout? On goûte vraiment beaucoup les griottes. Ah, les c'est ça. Les fameuses griottes. C'est ça, des griottes. Il y en a 30 griottes. 30 griottes par bouteille, donc. Alors, pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi ce qu'on a dit sur la bière, on va mettre un lien, là, Internet pour aller chercher oui, ça. Une chance parce que je suis pas vraiment... J'imagine que ça existe. Ouais. Non, on va mettre un lien là-dessus parce que je peux pas vous décrire plus la bière. Là. Fait que, en gros, c'est quoi Monty Python? C'est probablement le plus grand groupe d'humour ou humoristique que la langue anglophone a jamais connu. C'est un quintet, voire même 6 personnes... 5 originaires de la Grande-Bretagne et un américain. Ils ont commencé leur frasque en 1969 quand la BBC leur a donné la permission de faire le Flying Circus. De quelle diffuser erreur, cette émission. Quelle erreur. Parce qu'ils ne savaient pas quel genre de monstre il allait libérer. En gros, le Flying Circus, ben, c'est l'équivalent... Monty Python, c'est l'équivalent des cyniques mélangés avec RBO. On peut pourrait dire ça de même ça, pour, ouais. à plus grande échelle. Ouais. Puis... des émissions d'une demi-heure totalement déjantées avec aucun fil conducteur sinon la joke qui passait d'un sketch à l'autre. Mm-hmm. Et la joke des fois ratée mais que c'est gardé quand même. Absolument. Fait que toi Alex, t'as connu ça comment, Monty Python? Au début c'était avec le film Meaning of Life. Oui. Que j'ai commencé par ça, que j'ai découvert, puis je me suis dit mon Dieu que c'est bon. Puis après ça, c'est des Flying Circus que j'ai beaucoup aimé, là, le concept de plus être des sketchs, des fois récurrents, des personnages. Fait que c'est comme ça Il y a de suite des idées quand c'est même. C'est ça, des fois, c'est ça, t'as certains insides qui reviennent d'émission en émission. Ouais. Que c'est ça, c'est comme ça que j'ai découvert ça, surtout. Ouais, fait que t'as toujours aimé ça. J'ai toujours aimé ça. Depuis que t'es dedans, là, t'as toujours été oui, dedans. Oui, exactement. Mais y a, des fois, il y a des blagues que je comprends pas à cause de... que ça soit des références plus british que je comprends pas. Ou il y a ça aussi. C'est comme... des fois, très absurdes que, aussi que là... Ben, même nous, les jeunes, on pourrait écouter les cyniques puis pas comprendre la joke politique parce que c'est qui ça, le gros giguère, tu sais? On connaît pas tout de ça. C'est ça. Fait que Monty Python roule depuis extrêmement longtemps, donc c'est tout rendu des vieux croutons. Bedonnant, grisonnant, ils ont probablement même des cataractes dans les yeux, mais ils se sont quand même réunis pour une série de spectacles, et je dis bien une série, ils en ont fait plusieurs, au O2 Arena à Londres, rien de moins. C'est pas petit, c'est petit. C'est vraiment pas petit, imaginez le Centre Bell, mais avec au moins 10 000 places de plus. Peut-être 10 000 piastres aussi, ça pour dépend. Assister à ce show-là, sûrement. Donc, spectacle à grand déploiement, dis-je, qui ont décidé de faire ça de toute bonne foi, parce que ça valait la peine, puis parce qu'ils ont quand même beaucoup d'autodérision, ont vraiment pas démenti l'idée qu'elle allait faire beaucoup de cash avec ça. Ouais. Mais n'empêche pas moins que le spectacle lui-même qu'on est allé voir. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas allé à Londres pour le voir, malheureusement, ça aurait été le fun, sauf qu'ils ont été assez indulgents de filmer et de diffuser mondialement la dernière représentation de la série de spectacles. Et pour aller dans un cinéma en plein dimanche après-midi puis revoir ça, c'était la meilleure chose que j'ai pas pu faire dans les deux dernières semaines, personnellement. Alors, parlons de ça, ce spectacle-là. Toi, t'as-tu aimé ça, genre? Ah, c'est direct de même, je dirais. Ah, ouais, oui, on est avec ça, là. Oui, un oui qui est pas 100% élevé, si je peux te le décrire comme ça. Donc, il y a eu des petites lacunes, ici et là. Ouais, certains, ben des petites lacunes. C'est sûr que tu vas voir un spectacle de même. J'ai pas été déçu. Faut dire ça de même, parce que des fois, des réunions, ça peut être assez décevant, que ça soit côté musique, que ça soit côté humour. Des fois, ça revient, puis c'est passé date, ça marche pas. Mais là, avec Monty Python, c'était réussi pour ça, de ce côté-là. Fait que les sketchs ont bien vieilli, finalement. Les sketchs ont bien vieilli, adaptés un peu. Certaines blagues prévisibles, que souvent, vu qu'ils savaient que c'était totalement prévisible, ils pouvaient skipper des phrases, ils pouvaient rire du fait que tout le monde connaît les dialogues. Ouais. Fait que ça, là-dessus, j'ai trouvé ça le fun, puis ils pouvaient se niaiser eux-mêmes, ce qu'ils font beaucoup. Ben, c'est ce qu'ils ont fait, surtout en l'honneur de Graham Chapman, le seul membre de Monty Python décédé. Il y a eu quelques références à lui, on l'a vu sur grand écran. On a parlé de lui à la toute fin du spectacle aussi, quand le perroquet décédé est allé rejoindre le docteur Chapman. C'est ça, c'était une des phrases les plus importantes pour moi du spectacle. Oui, c'est un petit moment touchant parce que c'est comme si Chapman n'a jamais quitté le groupe pour autant, il est toujours là. C'est ça. Mais grand déploiement, faut le dire, là, parce qu'il y avait une christie gang d'extra, on parle d'une quoi, vingtaine de danseurs en plus d'un plus orchestre. Que ça, moi j'avais c'est ça, calculé un bon 13 couples de danseurs. Quand même. Fait que c'est 26 plus l'orchestre qui était là, puis les chorégraphies c'était coupé au couteau là, dans le sens c'était tout était à la perfection là. Je suis pas un grand chorégraphe, mais je peux dire que c'était pas évident, puis ça c'est ça, c'était grand déploiement, les chansons puis les blagues souvent leadaient vers un les spectacles, c'est ça, de danse musicaux. Ben, surtout qu'on a séparé certaines sections du spectacle par ces moments de danse-là, peut-être pour permettre aux vieux croutons d'avoir assez de temps pour se changer dans leur prochain costume. Aller changer leur pampers aussi. Là, mais ce qui était bien de voir avec ces moments... Je viens de la catcher. Non, mais merci, Gilles. Ouais, ce qui était cool avec les moments de danse, c'est que ça permettait de voir quand même à quel point le matériel de Python est adaptable à la comédie musicale, si Mon on Dieu, veut. Oui. Ah oui, ça, totalement. Puis je m'attendais pas à ça. J'avais pas lu de critique, j'avais rien lu parce que moi, j'ai quand j'ai été, c'était dans le néant. Puis c'est ça, je m'attendais pas à ce côté-là. Au début, je me disais, oh, vers où ça s'en va là-dessus. Puis dès je sais pas, après un quart d'heure, une demi-heure, là, je savais à quoi m'en tenir. Puis c'est merveilleux. Là, ouais. Des bonnes chorégraphies. Ouais, on pourrait penser que. Le moment dans le film The Meaning of Life avec la chanson Every Sperm is Sacred, ça a été le préambule ou si on veut l'idée directrice et artistique derrière toute la mise en scène du show. Là. Ouais. Parce qu'il y a du monde à la messe, ça danse en masse. Ah oui, puis c'est les... On peut-tu spoiler des affaires? Notre but, c'est-tu de pas spoiler? Au pire, je déterminerai plus tard si c'est un spoiler, puis je pourrais juste censurer ta voix. Bon, ben, c'est parfait. Je vais rajouter des sacres aussi. On a-tu le droit de sacrer? Absolument. Nous autres, on se... Fuck! Ouais, on se crisse de l'OQLF. OK, j'aime ça. Sur notre dos avec nos anglicismes de jeux vidéo, là. Nous autres, on s'en lâche à cœur joie. J'aime ça. Mais non, justement, sur cette chanson-là que tu parlais, les canons en forme de pénis qui arrivent. Oui. Tu vois le trou dans le milieu, tu le sais. Une minute à l'avance qu'il y a quelque chose qui va sortir de oui, ça. Oui, parce qu'on voit surtout le technicien et habillé en noir. Le qui technicien est en... qui est derrière les énormes pénis et finalement une neigée de sperme partout dans le O2. Ouais, ouais. Pour moi, c'était l'ajout parfait. C'était. Ouais, c'est ce qui est le fun de voir avec ce moment-là que tu viens de décrire, c'est que malgré que ce soit des septuagénaires, ils ont quand même pas plus peur de leurs jokes scatologiques. Non, vraiment pas. Que leur humour tourne autour de ça, loin de là. Là. Non. C'est super cérébral comme humour, mais quand ils font des incursions dans ce monde-là, ils font d'une manière à ce que ça soit le fun, et pas juste gratuit. Ouais, mais... Sauf avec des gros canons en pénis. Des gros canons en pénis, ou c'est interrompre un sketch par un Terry Gilliam qui arrive... suspendu en haut, en train de danser, il se fait tirer, puis toutes ses entrailles sortent. Ouais. Pour moi, c'est merveilleux. Là, ouais, ouais. Puis qui de mieux que Terry Gilliam pour faire une joke? Ah oui, mais, ah oui. Quel homme. Je regarde le temps, c'est déjà le moment de revenir sur notre première bière, la Paluzzo. Oui. Moi, depuis les 10 dernières minutes, ce que je goûte, c'est ça, c'est un côté dessert. Je dirais pas sucré. Mm-hmm. On va rechercher des côtés un peu chocolaté, un peu café, un peu fruité à cause de la cerise, comme on dit. C'est intéressant. C'est une bière de dégustation, si je ne m'abuse. Hein? Oui, bière de dégustation. Mais que je trouve est pas si lourde que ça sur l'estomac. Pour une stout, elle est quand même légère. C'est ça, pour une stout de ce genre-là. Là, depuis tantôt, j'en bois puis ça coule bien. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Martin? J'allais dire exactement la même chose. Je trouvais qu'elle n'était pas pesante, effectivement, pour une stout. Elle n'a pas l'amertume non plus. Elle ne me donne pas trop soif, je te dirais. Ah, c'est bien ça. Ce qui est dommage que ça donne pas soif parce qu'on a un autre choix de bière plus tard. Mais revenons à nos Monty Python. À nos Monty. Point de vue choix de matériel, comment t'as trouvé ça? Moi, je trouve que tout était là. Mm-hmm. À l'exception de un ou deux sketchs de mes coups de cœur à moi qui auraient pu être là. Mm-hmm. Mais je pense que somme toute, là, c'était rien de mieux. Puis même le pacing était bien bon. Toi, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, ben moi c'est ça. Le début, je dirais, parce que c'était séparé en deux parties là, avec un entracte. La première partie, le pacing, j'ai eu un petit peu de la misère. Moi, je savais pas vers où me diriger. Puis c'est ça, les spectacles de danse que je m'attendais pas à avoir, mais ça, c'est de ma faute, j'avais pas fait mon travail de savoir à quoi m'attendre, mais ça, je m'y attendais pas. Mais beaucoup aussi de sketchs qui étaient projetés sur l'écran du fond, des sketchs originaux qui n'étaient pas actés. C'était juste des moments où ils mettaient ça, puis c'est des sketchs de Flying Circus, je pense, la majorité qui avait joué. Je pense que c'était des classiques qu'ils voulaient absolument montrer aux gens, mais qu'ils ne pouvaient pas refaire l'air. C'est ça, exactement. La fiche Slapping Dance, on n'aurait pas pu ramener un bassin d'eau. C'est clair, c'est clair. Non, il y avait ça, il y avait la game de soccer avec les philosophes qui étaient là. Mais c'est ça, qui ont refait jouer. Fait que je comprenais pas trop. Je trouvais que dans la première partie, il n'y avait pas assez d'affaires qui s'étaient passées en tant que sketch fait live par les Monty Python d'aujourd'hui, puis qu'il y avait trop de danse puis de flashback de même, chose qui s'est réglée totalement dans la deuxième partie pour moi. Ils ont regardé la série sur le c'est Sunday, ça, puis c'est normal, puis ils ont fait les gros sketchs, puis c'était prévisible, puis moi, le moment où tu vois John Cleese arriver avec sa cage de moineau, mais tu sais qu'il est arrivé avec son perroquet, puis tu sais ce qui s'en vient, tu sais pour les prochains 10 minutes ce qu'il va avoir, tu peux dire tous les mots qui ont été dits, quelques ajouts, quelques sacs de plus que John Cleese que John Cleese te permet de faire, on totalement. S'en rappelle au Hollywood Bowl quand il a fait Albatross. Explique-moi. Ben, au Hollywood Bowl, ils ont fait le sketch Albatross, où est-ce qu'une femme va vendre de la bouffe dans les gradins, mais au lieu que ce soit du popcorn, on vend un albatross. C'est Terry Jones qui se lève pour lui demander, excuse, c'est quoi? Ben, c'est un albatross, là, c'est un oiseau marin, etc. Puis ça vient-tu avec des sauces? Non, c'est un albatross, tu le prends de même. Puis au Hollywood Bowl, quand ils l'ont fait live, Terry Jones se lève carrément de la foule, il s'en va demander un albatross, puis tu sais, Cleese est là avec sa grosse moustache. Puis c'est sûr that you don't get fucking sauce with it. T'sais, c'est seulement au Hollywood Bowl que ça aurait pu sortir avec autant de colère, si on veut, dans le propos. Puis chose qu'ils ont fait quand même. Mais au Hollywood Bowl, le sketch était interrompu par Chapman qui arrivait en full général de guerre en disant que le sketch était trop silly. Oui, c'était n'importe quoi. Mais ça aussi, ils l'ont mis en flashback. Exactement. Ça, j'ai trouvé ça beau. Puis... Donc, l'ajout de l'écran géant justifiait, était en là fait, pour ça. Argumentait, puis laissait place à la présence de Chapman. C'est ça, il a été là, on est bien content de ça. Oui, exactement. Puis je trouvais que c'était sûrement un challenge plus difficile. J'ai vu souvent que ça soit de... Quand j'ai vu The Who en show, qu'ils faisaient ça, l'écran derrière, les Beach Boys, tout ça, puis c'est fait, mais c'est facile parce que c'est une chanson, tu le mets en train de jouer la chanson derrière, moment nostalgie, tu pleures, tout est correct. Mais là, d'interrompre un sketch par quelqu'un qui est décédé, c'est plus difficile, puis je trouve qu'ils l'ont vraiment bien fait pour ça. Ouais. C'était important qu'ils le fassent, sinon c'est qu'il y aurait eu une énorme critique derrière en fait, ça. Même un des slogans, c'est qu'il en restait 5. Ouais, ben c'est ça. C'est 5 to go. One down, 5 to go. Fait que c'est rire de soi-même à son paroxysme avec cette gang-là. Puis on va y revenir avec RBO, parce que même eux autres aussi, on rit d'eux-mêmes au show, puis... Je pense que c'est un des thèmes qui revient de ces réunions-là, comme quoi que c'est drôle de rire de soi-même en plus. Je pense que c'est la clé d'avoir une réunion qui fonctionne bien, c'est de pas essayer de se prendre trop au sérieux. T'as vieilli, il y a des blagues, tu sais, dans le sens, ils n'ont pas réinventé des blagues à fond, c'est des classiques. Non, mais ils ont fait quelques modifications dans certaines chansons. Tu sais, la chanson du pénis dans Meaning of Life, celle qu'Eric Idle interprète au piano, ils ont rajouté deux couplets complets. Au complet, qui suivaient dans la même veine, si je peux faire une joke de pénis. Donc, si c'est le fun d'avoir un pénis, c'est aussi le fun d'avoir un vagin. Et d'avoir des un fesses, péteux. Un péteux, Avec la même musique qu'ils ont utilisée pour la chanson des Chartered Accountants au tout début de Meaning of Life. Oh mon Dieu. On se rappellera de la chanson de It's fun to take an accountant and sail the chart accountancy. Oui. Chose comme ça, là. Bien dit, Gilles. Mais de rire de soi-même, on l'a vu aussi au fil de quelques sketchs de la deuxième partie, alors qu'ils ont un peu pas mal décroché. Décroché où tu disais les mots quand on s'était parlé, dérapé. Oui, dérapé. Un peu. Si on veut, parce que on se souviendra, bon, pour les gens qui ont vu le sketch original, le Weasel Chocolate, Crunchy Frog. Oui. C'est un sketch où deux policiers investissent le bureau d'affaires d'un homme qui est le président d'une compagnie de chocolat. Et il vient quasiment se faire arrêter par les deux policiers parce que on le confronte en lui disant que ses produits contiennent des grenouilles mortes oui, ou oui. de la bile de quelque chose. Totalement. Et dans ce sketch-là, ben, ça prend un Terry Gilliam pour lâcher des pets à outrance oui. et peut-être même régurgiter un petit peu. Peut-être. Mais je pense que ils sont plus capables de garder autant leur sérieux. On les a vus vraiment perdre la carte. Oui, oui, à ce moment-là. Pas se souvenir de leurs phrases, de leurs oui. leur dialogues. Oui, dire la phrase de l'autre puis se tromper. Oui. Comme ça, oui. Puis moi, j'ai aimé ça. Ben oui, oui. Je veux dire, on aurait dit que je regardais un bon match d'impro parce qu'il était sur le bord d'avoir un coup Exactement. De gazou. Là, puis de voir ces gars-là se tromper. Oui. Mais un peu de s'en foutre aussi, parce que la foule était en délire quand même. Totalement, on s'attendait totalement. Pas à ça. Puis t'as le... Tu sais, je dis, ils ont le O2 devant eux, mais ils ont le monde, parce que ça a été... À je ça... sais pas, je sais pas si t'as les chiffres de personnes qui ont, non, qui ont regardé, bien, mais ça, ouais. c'est... On va le mettre en lien plus tard. Mais peut-être si on le trouve. Mais non, c'est ça, d'avoir réussi à faire un show au O2, puis de faire des erreurs dedans, tout ça, ben ça prend Monty Python pour moi à faire ça, puis ça, ouais. ça rajoutait quelque chose de vraiment bon. Plus j'en parle, plus j'aimais ça. Là, ouais, ça hein. c'était le fun, mais c'était aussi des fois d'entrecouper quand il y a un dialogue qui arrive. Je me rappelle John Cleese qui fait juste dire, pas besoin de dire cette phrase-là, tout le monde sait que tu vas dire cette phrase-là. Ah, oui, fait oui. qu'il coupait la parole. Ça, ou même Palin, quand ils ont continué le après le sketch du perroquet mort, ils ont continué avec le magasin de fromage. Le magasin de fromage enchaîné. Ouais. Palin de dire, je pense que t'as oublié de me demander si j'avais du cheddar. Exactement. Je pense que t'as oublié de me dire du cheddar. Ouais. Puis c'est ça, ce bout-là un peu de awkward de qui va dire quelle phrase, c'était bien fait. Ouais, puis on est même embarqué dans un espèce de petit déblatérage sur le fait que ouais, t'as-tu compris la joke que j'essayais de faire, comme quoi que les médias vont probablement rire de nous. Il était carrément en train de dire ouais. ça au micro live devant ouais, tout le monde. Exactement, devant tout le monde, parlait des reviews parce que ouais. celui qu'on a vu, c'était le cinquième. Le show, tout dernier. Le tout il n'y en avait plus après ça. Là. C'est ça, exactement. Mais c'est ça, vu qu'il y en a eu d'avant, il y avait déjà eu des critiques sûrement négatives. Dans toutes ouais, les critiques, ouais. t'as du positif, du négatif. Fait qu'il riait un peu de ça, ces critiques-là. Puis ce qui vont se faire critiquer après la prestation. De... Ouais. Pour terminer, donc ton moment fort, là, le meilleur sketch que tu as vu au spectacle des Python, qu'est-ce que ça serait? Tu peux pas vraiment me demander cette question-là. C'est lequel sûr... t'a fait le plus sourire dans ce cas-là? Ben, c'est ça. Moi, le moment quand on arrive avec le Dead Parrot, c'est sûr que c'était bon. Sinon, le Lumberjack, la chanson du Lumberjack, moi, toujours. Quand il est arrivé, tu sais, t'as senti venir un peu, ils l'ont introduit un peu avant, puis là, la chanson arrive, c'était vraiment merveilleux. Ils ont fait des bons liens entre les sketchs, des liens qui ont réinventé entre certains sketchs. Exactement, parce qu'on qui n'existaient pas avant, les liens là-dedans. Exactement, là, donc de passer d'un sketch à un autre sketch qu'on n'a jamais vu imbriqué comme ça avant. Là. Moi, j'ai bien aimé ce petit twist-là. Ouais. Puis toi, si je te pose la même question, moment fort, sketch, mon cher Gilles. Je te dirais que oui, de passer du job counseling sketch directement au Lumberjack, parce que c'était exactement oui. ça. Là. Le gars c'est, qui est en c'est, crise existentielle puis qui n'a jamais voulu faire ça puis qui finalement a toujours voulu être un Lumberjack. Ça j'ai ouais, bien aimé ça. Oui, c'est ça, exactement. Non, c'est vrai, c'est un bon point à mettre. Ouais, ouais. Puis je te dirais, dans l'ensemble, tout était bien beau. Pas parfait. Loin d'être parfait. Petite longueur. Ouais. Mais on sentait qu'il était content d'être là. Surtout Eric Idle qui souriait à outrance tout le temps quand il arrivait mon avec Dieu, sa... J'ai jamais vu un homme sourire autant que ça. Ah, ouais. Ben, à la fin, quand il jouait les chansons, exactement, puis le départ, puis juste la finale que ça finit, ils mettent les années de vie de Chapman. Ouais. Ils mettent après ça leurs années Monty Python jusqu'à 2014. Ouais. Puis après ça... Fuck off. Oui, sacré votre temps. C'est comme, on l'a fait, on a honneur, puis une fin de même, c'est totalement Monty Python. En fait, tu vois, là, ce que ça me fait penser là c'est mon moment, là, celui qui m'a donné le plus de frissons, là, c'est la toute fin, pendant Always Look on the Bright Side of Life. Tout le monde chantait dans la salle de cinéma. Ah, totalement. Tout le monde totalement. Sifflait. Oui, oui, dans la salle de cinéma, tu veux dire à Montréal. Oui, oui, ici, oui, oui, c'est ça, exactement. Dans ma projection, non, seul... exactement. Il y avait cette cohésion-là. Je me sentais un petit peu comme à Fantasia, tellement le monde ouais, riait, ouais, embarquait, criait les répliques. C'est ça, puis pas seulement durant les chansons, pendant des sketchs, les répliques sont tellement classiques, surtout, je reviens encore avec John Cleese, mais John Cleese, avec sa diction de dire tous les mots en les prononçant d'une façon particulière. Ouais. Le monde dans le cinéma, ça parlait tout. Moi, je suis pas le genre à faire ça, mais le monde les disait tout en même temps qu'il disait. Puis c'était le fun d'avoir, c'était une méchante expérience. J'en suis un coupable. Ah oui, c'est bon. Mais alors, j'apprécie. On refait un chin à la santé des Pythons. Un chin à la santé des Pythons. C'était leur dernière réunion, selon toi? On le sait pas, ils nous ont demandé de crisser notre camp, fait que on pourrait sous-entendre que c'est le cas. Mais un groupe qui peut-être va faire d'autres réunions, ça serait Rock et Belles Oreilles. Alors on change le micro de place, on s'en va chercher notre cher autre invité spécial, Martin. Salut Gilles Cassette. Yes! C'est moi. Ça s'écrit avec un K? Ça dépend. K7 avec le chiffre pour les intimes. OK. Ça c'est si on veut. Fait qu'on est mieux de faire un cul sec parce qu'on a une autre bière qui s'en vient. Oui, c'est vrai. Si tu veux aller la chercher, je vais faire la présentation de Rock et Belles Oreilles. Ben pas besoin, tout le monde sait c'est qui Rock et Belles Oreilles. Ils ont fait un show de réunion dans le cadre du festival Juste pour rire, qui était une réunion musicale. Donc ils nous ont interprété de tunes, si on veut. Puis on était tous là sur la place des spectacles ou la place des festivals pour entendre de tunes interprétées live. Après quoi, une quinzaine d'années qu'ils n'ont rien fait ensemble. Si on oublie les bye-bye, ils n'ont pas remonté sur le stage depuis un sacré bout. En effet. Alors, entendre le pichet, quoi. Oui, mais je veux aussi que tu me présentes la bière que tu as choisie pour l'occasion. Oui, c'est important, ça. C'est le trou du diable. Donc, le trou pour la chanson Le Trou. On fait un beau lien ici. Toi, t'as pas fait ça, Alex. Là. T'as pas fait un lien aussi russe. Il te manquait ça. Ça marchait pas. Puis en plus, ça s'appelle La Divine Comédie. Alors là, je trouvais que c'était le lien parfait pour RB. Je vais te niquer dans les liens. C'est pas grave, je t'avais demandé de faire ta petite recherche, puis tu l'as pas fait. Mais on apprécie beaucoup ta présence ici. Merci. On a un pichet un peu plus sournois. Oui, ici, elle a fait juste un petit pet. Ouais, il était comme silencieux. Alors, c'est ça, donc, la Divine Comédie, qu'est-ce que ça dit ici? C'est une collaboration beer. Oh, c'est très important à noter ici que c'est une collaboration avec Dieu du ciel de Montréal. J'ai ouï dire que Trou du diable vont brasser la première moitié du brassin et Dieu du ciel vont brasser l'autre moitié de ce brassin-là. Les deux bières seront donc disponibles à des temps différents par les brasseurs séparément. Donc ici, on a l'édition brassée par le Trou du diable. Et dans quelques mois, ou si c'est pas déjà passé, la version de Dieu du Ciel a été ou sera donc disponible, faite par les cuves de Dieu du Ciel. Pour vrai, ça, là, où t'inventes ça? Hein? Non, j'invente pas ça pendant tout. C'est écrit sur l'étiquette ici. On vous en mettra un lien sur les internets si cela, ça donne. Belle étiquette, là, on a comme une ligne horizontale qui sépare un haut d'un bas, donc deux. Ce sont un deux. Yin et yang. Un yin et yang. C'est un yin et yang de bière, comme on fait à soir avec deux bières. Fait qu'on va s'en verser un petit verre, tout le monde. Parce que c'est important de faire ça. Moi, je vais juste faire un petit rinçage de fond. Ouais, c'est pas bête. Hein. Puis on sent déjà la différence. Je pense qu'on les boit pas dans le bon ordre, surtout. Hein. Probablement, on a commencé avec une foncée. Moi, j'ai rien compris là, à ce qui se passait à ce soir. C'est pas grave. C'est probablement Gaétan qui a essayé de t'expliquer ça. Puis vu qu'il était pas là, ça s'est fait tout croche. Fait qu'il a fallu que je patche toutes les trous. Oh, yeah, c'est un jus de fruits. Tant que ça. C'est un jus de fruits mélangé avec le reste de fond. Il restait des griottes. Ouais. Alors, ça coûte vraiment jus de fruits. Pour les auditeurs, anal des bonnes pratiques de bière, c'est-à-dire tu laves ton verre ou t'en prends un autre carrément pour t'assurer de pas mélanger les effluves, on s'excuse parce qu'on n'a pas fait ça pantoute. On s'entorche un petit peu aussi parce que, tu sais, on est rock quand même. On est rock. Chose qu'on a oublié de mentionner, c'est qu'Alex est un bassiste extraordinaire pour le groupe Riverbeds. Hey boy! Il a pas l'air de vouloir en parler. Extraordinaire, mais... Non, mais... Ah, oui, bassiste mais extraordinaire. Bon, on va plugger Riverbeds, groupe, internet, Facebook, c'est ça. Ouais, on fera tout ça. Puis Martin, lui, qui est papa extraordinaire. Oui, absolument. On peut le trouver dans toutes les bonnes garderies du coin. Non, pas toutes les garderies. Pas toutes? Non. Ah non, t'es fait pas toutes? Non, j'en ai juste deux enfants. Ah! J'ai réussi pas à remplir toutes les garderies. Pas encore. Ok, c'est bon. Fait que, donc, on a la Divine Comédie dans notre main. C'est effectivement, on va chercher des côtés très agrumés, là, je me trompe pas. Moi, je vais prendre une petite gorgée clean, cette là. On dirait clairement pamplemousse, ça. Effectivement, on goûte l'acidité sans pour autant qu'elle soit accaparante du goût. et ou néfaste en arrière-goût. Ça, c'est mon opinion. Ça fait du sens. Si on veut, on n'est pas obligé de prendre mes mots pour acquis. Fait que Rock et Belles Oreilles se sont réunis. Mais oui. À notre grand plaisir sur scène. Mais hein. On savait pas mal à quoi s'attendre. Moi, c'est la première fois que je les voyais sur scène. Moi, pour vrai? Ah oui, j'étais vraiment content de pouvoir les voir sur scène pour une fois. Je les ai déjà vus sur scène avant. Pour vrai? Fait qu'on va faire un lien ici. Moi, je les ai vus dans la tournée de Bêtes de scène. Non, pas vrai. J'étais effectivement haut comme trois pommes. Wow. C'était un vendredi saint, je crois, le spectacle. Accompagné de ma mère, je vais voir Rock et Belles Oreilles dire des gros mots. Première rangée. c'était toute qu'une expérience. Et ce qui m'a le plus marqué de ce spectacle de Bêtes de scène-là, c'était les bidules. OK, oui. On y reviendra. Oui. Donc, première fois sur scène, on était peut-être un peu loin. On s'est croisés dans la foule. Parce qu'il faut le dire, on était à scène des spectacles là, à Montréal. C'est gros, c'est vaste, c'est large. Il y a du monde en salle. T'étais comment assez loin, incroyable. À peu près, ouais. J'étais au premier écran. Je sais pas si tu as vu, il était où l'écran. Ouais, donc on dirait à peu près aux deux tiers de la distance entre la stage puis la rue Maisonneuve qui est en arrière. Ouais, à peu près. C'est ouais. quand même loin. On les voyait petits. Très petits. Mais l'écran, on les voyait à l'écran au moins, mais j'étais un peu déçu de ça. J'aurais aimé ça les voir de très proche. Ben, écoute, la foule étant très récalcitrante à céder tout passage. Effectivement, c'était assez. Aller chercher. Jam-pack, comme on dit. Aller en chercher français. De la bière là, dans ce show-là. Là, c'est comme Kierkegaard le dit, il faut prendre un leap of faith puis juste décider d'y aller parce que sinon, on va juste se morfondre puis pas y aller finalement. Oui, oui. Mais toujours est-il qu'on était là, ils étaient sur scène, ils ont chanté leur tune, oui. Ils ont donné un bon spectacle. Puis ils ont fait des sketchs aussi. Ils ont fait des sketchs. J'étais surpris de ça. Fait que, toi, comparativement à ce que tu te souviens de Rock et Belles Oreilles, télévisuellement parlant, comment ça se compare avec le show? Je trouvais que ça fitait vraiment, c'était vraiment dans l'esprit des émissions, des spectacles qu'ils ont fait avant aussi. J'ai trouvé ça le fun qui adapte aussi au goût du jour. Très important à mentionner, oui, parce que la plupart des chansons qu'ils ont interprétées avaient au moins un couplet. Updaté à aujourd'hui. On juste parlait, un peu modifié. Juste assez modifié pour parler du dernier incident quelconque, du dernier drame quelconque, des politiciens récents qui ont fait des frasques. Ça, c'est la preuve comme quoi que le matériel de Rock et Belles Oreilles est plus ou moins universel et qui est encore très efficace. On est capable de réutiliser leur vieille toune. Ça n'a pas d'âge. Ça n'a pas d'âge, exactement. Ouais. C'est intemporel. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on pourrait sortir ça dans 15-20 ans, après leur mort, et puis juste parler des nouveaux politiciens sur la scène, puis ça marcherait encore. C'est drôle qu'on dise intemporel, parce que c'est un peu ça qui m'est arrivé. Moi, avec RBO, toi aussi, tu as commencé à les écouter très jeune. Absolument. Je comprenais pas la moitié des jokes là, quand j'étais jeune. Là. On est tous mais je trouvais ça drôle quand même, puis... Plus que je les ai écoutés avec le temps, plus que j'ai compris des blagues plus adultes. Oh oui, qui a fait que vraiment j'apprécie Rock et Belles Oreilles sur toutes ses coutures, je dirais. Ouais, ouais. Moi, je pense que. Je vais vous le confier, là. J'ai déjà chanté la chanson du clito sans savoir c'était quoi. Oh! Ah, oh! Ouais. Ah, ça, c'est fort. Ouais, il y a ma prof de 6e année qui m'a donné un coup de pied dans le dos, dans l'autobus, pour que j'arrête de chanter. Ah. Ouais. Ben, chez nous, moi, je vais t'avouer qu'on chantait et on se filmait. On faisait un vidéoclip sur la toune de drogue. Ah, OK. Et oui. On savait pas vraiment de quoi ça parlait, non. Mais parlant de drogue, est-ce que t'en as consommé au spectacle? Non, c'est pas pour ça qu'on utilise. On utilise pour parler de bière. On va rester à la bière. Non, je voulais revenir au contenu parce que tu mentionnes drogue. Donc, Ringo Rinfret était là. Oui. Mais ils étaient tous là. Ils étaient tous là. Tous les personnages de RBO ont quand même réussi au moins à faire une petite incursion ou un petit caméo, quoi que ce soit. Même sous d'autres formes, Mitsu, j'ai été vraiment étonné de la voir apparaître là, surtout qu'elle faisait partie de ceux qui sont faits niaiser par RBO. Je ne m'attendais vraiment pas à la voir là. Oui, absolument. Ben, elle a bien joué son rôle, ça allait vraiment marcher. Elle a très bien joué son rôle, puis c'était quand même un très bon remplacement à Chantal Franck, qui était dans l'assistance pour le spectacle, mais comme elle l'a dit elle-même, elle est passée à autre chose. C'est derrière elle, les années Rock et Belles Oreilles. C'est correct. C'est très correct. On respecte ça, puis on l'adore, justement, d'être aussi intègre dans tout ça, mais on s'ennuie d'elle. Ah, mais ça. Un peu. Ouais. On aurait voulu l'avoir sur scène, mais je pense que Mitsu a quand même fait une bonne job. Alors, Mitsu qui est venu interpréter Mulot, c'est bien ça pour la chanson. Oh, oui, le gros méchant loup. Le personnage s'appelle Mulot, oui, qui personnage... interprète le gros méchant loup. C'est ça. Puis elle a aussi fait Erotico Mocheton. Oui. Puis ça, ce qui est le fun avec ça, c'est à chaque fois qu'on va parler d'une toune, c'est dans un setting propre. Ce qui est bien important à noter, c'est que, puis moi, c'est ça que j'ai trouvé vraiment cool du spectacle, c'est que le show était séparé en blocs de 3 chansons à peu près, ouais, entrecoupées de sketchs qui menaient au prochain bloc, et puis chacun des blocs était dans une thématique très précise. Fait qu'on a commencé avec I Want to Pong, on avait les gilets jaunes, puis tout. Ouais. Puis après ça, ça l'a enchaîné avec les années yéyé. Puis après ça, on est allé chercher Mulot, là, tout ce qui était interprétation francophone, tout ça. Ouais. Puis... Tu vois, j'avais même pas remarqué ça. Ah non? Non, j'avais pas remarqué, mais t'as raison. Ouais. Ça, c'est une belle manière. En tout cas, le pacing pour moi était bon à ce niveau-là. Mais les sketchs entre les blocs. Oui. Ils nous ont donné du nouveau matériel. Chers, il fallait être là. J'étais content de revoir Chers. Tu sais, quand t'as Chers qui est là puis qui te dit, bon, dans son langage à lui, là, je pense pas que la bière me permettrait d'avoir des tongue twisters aussi graves. OK, mettons. Quand Chers était là pour nous... Il n'y a même pas de S assez que je veux dire, là. Bref, Chers était là pour nous suggérer de bien vouloir prendre les shorties de secours sur la gauche ou la droite. Tu sais, là, il était là, il nous l'a fait. Merci, vous êtes fin. Fait que, non, c'est ça, ils sont revenus comme ça, les personnages. Comme tu disais, leur caméo a été soit sur l'écran géant avec la présentation des sketchs, ou bedon, sur scène, on se rappellera de Yves vers la fin du show qui a juste mis sa capine de Monsieur Caron pour aller parler deux, trois fois. C'est pendant quel tune déjà, je m'en rappelle déjà plus. Mais tu vois... Excuse-moi, je vais pas changer de sujet, je vais embrayer sur autre chose. Tu vois, c'est moi qui ai perdu le fil. J'ai été surpris qu'il y ait ces petits sketchs-là de préparer. À chaque fois que je les voyais en entrevue avant le spectacle, on dirait qu'à chaque fois, ils s'annonçaient comme « Ah, c'est pas grand-chose, ça donnait, on s'est réunis ». Je m'attendais vraiment à avoir aucune mise en scène, pas de vidéo, rien. Je pensais qu'ils étaient quasiment pas préparés, là, que c'était quelque chose comme ça qu'ils faisaient à l'improviste. Et finalement, non, c'est vraiment un spectacle monté, on dirait rodé. J'ai lu quelque part qu'il l'avait juste pratiqué 3 fois, puis j'ai de la misère à le croire. C'est vrai, parce qu'au niveau technique, c'était assez imposant. Justement, de changer de thématique, de costume à toutes les 3 chansons. On parle pas juste de ça, on parle aussi de costume. Oui, oui. Parce que quand ils sont arrivés dans les suppositoires de Satan, puis qu'ils nous ont interprété Rot, il y avait du feu sur le stage, là. Oui, oui. Les grosses guitares en forme d'éclair... De grosses haches à la Gene Simmons dans le temps de Kiss. Mm-hmm. Puis de la pyrotechnie. Ouais. Comme tu dis, ils nous en ont fait croire autre chose. Ouais. Mais tout ça pour le mieux parce qu'on savait plus à quoi s'attendre. Puis finalement, je pense que tout le monde était content de ce spectacle. Ben ouais. Mais d'où les rumeurs que ça se peut pas qu'ils aient préparé tout ça pour ne pas continuer de faire d'autres présentations. Ben, ça se peut quasiment pas, là. C'est soit ça ou ben c'est des gars qui étaient tellement bons dans ce qu'ils faisaient, que quand ils le refont, c'est tellement naturel qu'on pourrait penser qu'il y a eu des mois et des mois de préparation. Ouais, peut-être. Ou bien ils sont juste trop bons. Raison pour laquelle ils n'auraient jamais dû arrêter. Rock et belles oreilles, revenez, bout de vierge! Lâchez, tout le monde en parle. Ben ça, tout le monde en parle, il y en a eu un moment de tout le monde parle. Ouais, il a fallu que... Satirique un peu? On pourrait dire oui ou non? Que c'était que satirique, ben oui. Ouais, ben si oui. On veut. Ben, tu sais, c'était Guilla, en tant que Guilla, qui recevait comme invité Ringo Rinfret sur le studio de Tout le monde en parle. Ouais. Alors, tout ça pour présenter le prochain bloc de musique qui était effectivement Ringo Rinfret pour venir nous interpréter Drogue. Et puis, y a-tu joué une autre chanson? Je pense même pas. Fait qu'on a... ça, c'est dans le bloc là, où est-ce que chacun des Rock et Belles Oreilles là, entrait en son propre mode « Mon personnage fétiche à moi ». Ouais. Si et qu'est-ce qui se passe avec Richard Z. Sirois? Richard Z. Sirois a fait une incursion. Ben oui, il a fait une apparition. Il a fait une super belle apparition. Quand ils ont... Le feu sauvage. Entamé le moment yéyé, ils ont commencé avec tout le medley des chansons, là, tu sais, Splish Splash, tout en prenant mon bain, qui venait justement de la part de Ringo Rinfret. Ça nous a amené à ça. Bon, Bruno Landry est allé changer, il est revenu habillé en yéyé. Ils ont tous fait ça, puis non, naturellement, on le voyait venir, là. Ils sont tous habillés yéyé, la musique est comme ça. Feu sauvage de l'amour d'école, puis au moment du solo, on a un guitariste invité qui est arrivé, c'était nul autre que Richard Z. Sirois, avec une coupe un peu à la Stray Cats et une guitare. Une guitare avec le bol de toilette. Bol de toilette. Avec le couvercle de toilette pour faire la guitare. Il a ouvert son bol de toilette pour révéler les cordes sur lesquelles il ne jouait presque pas, mais qu'il a sorti un Chris de bon solo. Ah oui. Pareil comme dans l'émission, je m'attendais pas à avoir la même guitare, mais la même. C'est incroyable. On se demande s'il n'y a pas un des gars ou ben sinon les quatre qui se payent chacun un storage unit là, pour garder tout un props du temps des émissions. Là. Fait que regardant le temps passé, je dirais que c'est le temps de revenir sur la bière, parce qu'on va revenir sur d'autres moments forts du spectacle. C'est pas terminé, mais moi, cette bière-là, je trouve que c'est une bière d'été. Principalement, là, ça va rechercher les petits côtés été. C'est quand même frais. Je voudrais dire, c'est comme une limonade de luxe. Ouais. Genre, on s'entend là, c'est ça que je voudrais dire, mais c'est pas exactement ça que je dis. Ouais. Mais ça me fait un peu penser à ça. Je le boirais en slush. Ça serait super bon en slush. Ah ouais. Ouais. Apparemment, il y a une place à Montréal qui fait de la slush beer slush. Ouais, j'ai vu ça moi aussi. Je pourrais pas dire. Je suis pas un genre de personne qui consomme la bière solide. Je la préfère liquide. Non, j'ai déjà oublié une bière au congélateur, puis elle était juste semi-gelée. Là. Ouais, j'ai pas haï ça. Ouais, ouais. Mais ben c'est comme cette nouvelle tendance là, des bières Bud Light Platinum à moins 3 degrés Celsius. Là. Je me demande vraiment c'est quoi l'utilité d'une telle chose. Alors, Alex, tes impressions sur cette Divine Comédie? Oui. Divine Comédie, c'est une très bonne bière. Non, mais je... Le vin que t'amènes de bière d'été, totalement. Moi, j'ai d'autres bières d'été que j'aime bien, mais celle-là est assez amère. Fait que c'est intéressant. Je trouve ça le fun comparé aux bières que j'aime aussi. Moi, c'est Saint-Ambroise aux abricots. Moi, ça crie été quand je bois ça. Mais là, c'est sûr, on a quelque chose de plus amer, un petit peu moins fruité, mais j'adore. On pourrait faire un petit parallèle avec le Dieu du ciel. Je sais pas si tu connais la... comment s'appelle-t-elle? La Disco Soleil? Non. La Disco Soleil, c'est une bière d'été que Dieu du Ciel a récemment fait brasser. J'aime son nom, en tout cas. C'est-à-dire même embouteillée, parce qu'elle est présentement disponible en dépanneur. Et elle est faite avec des kumquats, qui est comme des très petites oranges. Donc, c'est une bière très agrumée, mais qui va quand même chercher le côté très goûteux d'une IPA sans son amertume. Ça, c'est la Disco Soleil. Je trouve que la Divine Comédie ici a un peu de ça, mais on remplace le côté un peu orangé par un côté un peu plus pamplemoussé. Ouais, oui. Si on veut. Enfin, ce sera plein de bières pour vous, chers auditeurs, à découvrir et à nous en faire part. Deux. Revenons à Rock et Belles Oreilles. Oui. Bon, fait que, point de vue contenu, là, toi, t'as tout vu ce que tu voulais voir. Il manquait rien. Ben non, oui, c'est assez étonnant. Hein? Ils ont réussi vraiment à tout ressortir. Oui, puis je pense que, point de vue pacing, là, contrairement à Monty Python, j'ai eu un build-up tout au long du show de Rock et Belles Oreilles. Bon, c'est sûr que c'est différent. Là. T'es là, t'es live. Il y a toute la foule, t'es capable de consommer de la bière en même temps, ce qui donne une nouvelle allure à ton appréciation du show. Mais le fait que c'est un spectacle live musical, puis c'est condensé en 1h15, ils ont quand même bien choisi leur setlist, selon moi, pour nous amener à une finale qui pouvait pas être meilleure. C'est-à-dire, ils ont fini avec les bidules. Toi, t'étais plus là, hein? Non, j'étais plus là. Ça m'a tellement fait chier. Là. Ouais. Mais les bidules, ben oui, ça a toujours été mon côté préféré de RBO. Ça a toujours été génial, leur façon de reprendre les Beatles. Ouais. Fait que bon, c'est j'aurais vraiment aimé ça les voir. C'est plate qu'on va en parler là devant toi. T'étais pas là, mais on va essayer de garder ça dans quelques mots bien concis. C'est ça, ils ont fini la partie principale du spectacle en tant que les bidules. Ils ont commencé avec une apparition sur le toit du musée quelconque. Mais non! Oui. Il était là, habillé en Beatles. Mais ouais. Mais c'était pas eux autres, là. C'était comme quatre stuntmen qui étaient habillés en Beatles. En haut, il y pas devant de rendre, tout le monde. Puis il y avait le spotlight sur eux autres. Là. C'est comme, c'était flagrant, c'était là. Wow! Quelle manière de commencer tout le bloc des bidules. Et puis c'est le bloc qui a duré le plus longtemps, facilement un bon 15 minutes. Ah, peut-être un petit peu moins. Entre 10 à 12 minutes, là. Évidemment, ils apparaissent sur scène tout de suite après. Et ils ont tout enchaîné, tout ce qu'ils ont déjà fait en tant que les bidules, qu'on connaît du moins visuellement parlant. Parce qu'ils ont déjà interprété Help dans un festival d'humour en Europe, je pense en Suisse. Ouais. Ils avaient traduit ça en Alpes. Ouais, on fait du ski dans les Alpes. On fait du ski alpin. Ils l'ont pas fait, elle. Mais toutes celles qu'on connaissait déjà, ils l'ont fait. c'était monstrueusement bon. C'était aussi même bon. Même ceux obscurs là, dans les émissions de télé. Ah ouais! Ah ouais, ils ont tout fait. Puis en plus, ils ont même été recherchés celles qui avaient réadapté quand ils ont fait le Bidule Rock Band là, dans le dernier Bye Bye qu'ils ont fait. Ils sont allés chercher les tunes là, okay, en les adaptant pour les Denis Coderre et les... je pense qu'ils ont même fait une allusion au docteur Barrette, okay, aux autres politiciens, okay, de ce monde. Non, c'est bon, ça. Très bon, en effet, parce qu'on avait bien beau rire de ces politiciens-là. Je pense que les gens dans la foule avaient besoin de sentir qu'au niveau médiatique, on pouvait non seulement rire de ces personnes-là aussi, en plus que de les critiquer. C'était bien important de pouvoir chialer ouvertement et publiquement, oui, sur eux autres, sur leur job. Mais on a besoin de ça. C'est pour ça qu'il faut qu'ils reviennent, les RBO. Là. Exactement. Dans les bye-bye, là, c'était parfait. Là. Je comprends pas pourquoi ils ont arrêté... Fallait, ouais, continuer. Juste deux, c'était pas assez. C'est un petit soupir de « mais pourquoi » que je, ouais, voulais avoir en, ouais, ce moment. Ouais. Là. Mais tu sais, on se souviendra là, dans la partie église ou évangéliste, là, quand Mme Bellavance s'est pointée et qu'on avait André Ducharme en prêtre, là, ils ont quand même fait des pas pires de jokes sur oui, la place des spectacles. Là. Oui. Alors, on va vous le dire, si vous étiez pas là, ils ont quand même fait une joke sur le fait que on dépense des milliers de dollars, des centaines de milliers de dollars pour réaménager une partie du centre-ville, pour donner naissance à une place des festivals, pour nous donner des beaux endroits pour festoyer, pour nous donner des infrastructures festivalières pour accueillir tout ce monde-là, mais pas nous donner le parking qui va avec. Non, c'est ça. C'était bien important. Puis après ça, M. Ducharme s'est empressé de dire... à la foule, tu prends le sang, tu prends le corps du Christ, puis après ça, tu prends la gauche sur Saint-Denis, tu montes plus haut, puis 15 minutes plus loin, là, tu vas trouver ton parking. Quand j'étais effectivement stationné loin ce soir-là. Ah oui, hein? Oui. Ben, ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait parler, parce que contrairement à une salle de cinéma fermée avec des places assignées, on était au grand air. La foule, tu l'as trouvée comment, toi? Ben, moi, de mon bord, était bien. Ben, à part, comme tu disais tantôt, qu'ils ne nous laissaient pas circuler, là. Ouais. Mais, disons, pendant le spectacle... Ils sont très territoriaux, hein? Ouais. Oui, vraiment. Hey, j'avais une poussette, là, tu sais, puis ils ne voulaient pas me laisser passer, là. Je trouvais ça assez, assez plate, là. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, je les ai trouvés électriques. Vraiment, j'étais surpris d'entendre tout le monde connaître les paroles. Ouais, ouais, quand même. Vraiment, tu sais... T'en entends qu'il y en avait plusieurs qui lâchaient quand c'était des bouts un peu plus obscurs, là. Mais quand même, de façon générale, pas mal tout le monde connaissait les paroles. Ouais, ouais, c'est partagé, moi aussi. Puis tu sentais que c'était nostalgique pour tout le monde qui était là, là. Oui. Moi, en tout cas, dans mon coin, c'était tout du monde de mon âge, puis je sentais la même nostalgie chez, ouais, les autres. Hein. J'ai vu des jeunes garçons, là, entre 7 et 10 ans, qui étaient là avec leurs parents. J'imagine, ah ouais, que les parents ont dit « faut que tu connaisses RBO » ou bien ils leur ont déjà montré avec les DVD. Les DVD, oui. Et puis, ils les ont amenés les voir live. Puis, tu sais, pour faire un parallèle à mon expérience de Rock et Belles Oreilles puis de Bête de scène, là, j'étais là avec ma mère. Puis, moi, je suis sûr, je suis convaincu qu'à un moment donné, quand j'ai regardé ma mère, le regard qu'elle avait de « ça n'a pas de bon sens que j'aille amener un enfant de cet âge-là ici », on aurait dit que c'était tout pardonné quand même au spectacle de mercredi dernier parce que on voulait célébrer justement notre, comment dire, idiotie sociale par le biais des chansons Nounoun de Rock et Belles Oreilles. Oui. Tellement Nounoun qu'ils ont même joué ces Nounou Noël parce qu'ils ont essayé de faire un parallèle niaiseux avec le Noël du campeur. Oui. Ce soir-là, on célébrait l'anniversaire d'André Ducharme en plus. Oui, c'est vrai. On lui a donné un beau, oui, cadeau en forme de pénis qui s'avère être une marchette. Fait qu'on, t'sais, on rit de soi-même. Moi, je veux dire, j'ai pas à choisir entre Rock et Belles Oreilles et Monty Python. C'est deux trips totalement différents. Un, Rock et Belles Oreilles me permet, un de ces trips-là me permet d'être un petit peu plus, comment dire, impliqué, si on veut. Puis j'ai été full impliqué dans ce show-là. Toi, je suis sûr que t'as chanté comme un ouais, fou, oui, mon chanteur. Ben oui, absolument. Fait que... Mes gars aussi. Mes gars, ils connaissaient les chansons. Je leur fais pas écouter les émissions. Ils sont trop jeunes, ils comprendraient pas. J'espère que tu leur fais pas écouter toutes les chansons aussi, là. Ah oui, oui. Ben oui. Sans même discernement, absolument. Ouais. Autant que moi, je les ai tous entendus quand j'étais jeune, sans discernement. Le clito, c'est juste un petit mot d'amour, là. C'est ça, ils le savent pas, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème avec ça. Puis regarde, j'étais complètement pardonné. À la fin du spectacle, mon gars, il voulait absolument que j'y achète une batterie. Fait que, il est tombé en amour avec cet instrument-là ce soir-là. Ce qui est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Ouais. Fait que Rock et Belles Oreilles, donc, sont revenus le temps d'un spectacle. Ils nous ont fait grâce de finir le show avec Bonjour la police. qui, dans un moment où la police était plus ou moins en moyen de pression contre la ville, était quand même un peu touché à faire. Ouais. Mais ils l'ont fait. Je m'attendais à des émeutes. Ah oui? Non, voyons donc. Ben moi, je surestime toujours tout. Mais je m'attendais peut-être un peu de grabuge, mais j'ai quand même senti qu'il y avait beaucoup de respect, effectivement. C'était très pacifiste. Puis ils ont fini avec le clown est triste. Qui était une belle manière de finir la soirée. C'est la meilleure fin que tu peux pas avoir. Fait que non, Rock et Belles Oreilles sont revenus, puis en force. Vraiment. Ils l'ont pas filmé. Non, ils voulaient pas. Ils le mettront pas à TV, pas de DVD. C'est décevant. Ben, sais-tu à quel point c'est décevant, je sais pas. Moi, je suis content d'avoir été là. Je m'en serais voulu énormément de pas avoir assisté à ce spectacle-là, mais je pense que c'était le but de la chose. C'était un happening. Ouais, one night only, t'es là ou t'es pas là. T'en profites. Puis advienne que pourra. Ouais. Et on se console, si on l'a pas vu ou si on voudrait le revoir, avec l'espoir peut-être qu'il revienne sur scène bientôt. Messieurs, ce fut un grand plaisir de vous accueillir dans la fausse barrique ici. Ouais, je suis pas sûr de où ce qu'on est en ce moment. Ouais, il fait noir un peu, hein? Il y a bien du poil. Ouais. C'est étrange. Mais merci de nous avoir invités, mon Dieu. Ouais. Alors, c'est ce qui conclut cette première édition hors-série de la barrique numérique. On vous rappelle nos invités, Alex Gingras, bassiste extraordinaire de Riverbeds. Merci. Et Martin Nadeau, designer audio pour Ubisoft Montréal. Merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être venu. Merci pour la bière. Eh non, c'est le fun de partager ça avec vous. Je vous enverrai la facture. Puis, alors, si vous avez des commentaires à faire sur Monty Python, sur Rock et Belles Oreilles, sur les spectacles, sur les bières qu'on a bu, vous voulez en savoir plus, vous n'en savez pas assez, vous avez des questions à poser sur genre, c'est quoi la meilleure sorte de couche ou c'est quoi les meilleures cordes pour une bass, faites-vous parvenir toutes vos questions par les Facebook et Twitter de ce monde, parce qu'on est toutes là-dessus. Et puis, sur ce, on vous dit un gros merci en bloc. En bloc. Merci. Merci. Aussi, d'écouter la barrique numérique. Et n'oubliez pas de peser sur pause et de cliquer sur continue parce qu'on vous revient dans un prochain épisode.